à tous et à toutes, c'est Aurélien. On se retrouve pour ma dernière émission des coups de cœur d'Aurélien, avec beaucoup d'émotion, je vous avoue. Et du coup, cette semaine, je vais vous parler de cette belle radio, comme je vous avais dit la semaine dernière. Donc, Radio Gemozo. Donc, il faut savoir déjà que Radio Gemozo est né de Radio Pirate Radio de Trait d'Union, un nom un peu long, qui mettait avant 1981. Et du coup, en 1981, elle change de nom. Elle devient une radio associative qui émet à Fresnes-sur-Moselle sur 82 MHZ. Donc là, elle devient Radio Gemozo à ce moment-là. Après un passage à Rupes-sur-Moselle, d'où elle tient son nom, car la radio était située rue de l'église. Il y avait un petit ruisseau à côté qui s'appelle le ruisseau du Gemozo, du coup. Et c'est de là que Radio Gemozo tient son nom. Après un petit passage à Rupes-sur-Moselle, Radio Gemozo rejoint Saint-Étienne-lès-Remiremont en 1990. Donc ça fait un moment déjà qu'elle est située à Saint-Étienne. Donc sa zone de couverture, elle englobe toute la région de Remiremont. La radio est animée principalement par des bénévoles, par exemple moi. Elle est encadrée par deux personnes qui travaillent ici, mais toutes les autres personnes sont ici purement bénévoles. Et le slogan de la radio est « La radio la moins bête des Vosges ». Et une des plus vieilles d'ailleurs, puisqu'elle est écrite officiellement 1981, nous sommes en 2019. Ça fait donc 38 ans que cette radio émet, pour notre plus grand plaisir. Donc ma foi, c'était une chronique pour clôturer assez courte, où je parlais de cette magnifique radio, Radio Gemozo, sa petite histoire. Donc je tiens à dire plusieurs choses, dont pour commencer, puisque Radio Gemozo est une radio associative, qui ne diffuse donc aucune pub, des dons sont disponibles pour si vous aimez la radio, si vous voulez un petit peu l'aider. Si vous avez l'opportunité d'interviewer comme ça un auteur ou une personne connue, si vous voulez faire des petites émissions, vous appelez Radio Gemozo, vous vous rendez sur le site, ils seront très heureux de vous accueillir, que vous les aidiez à animer cette magnifique radio. Et malheureusement j'arrête cette émission, je recommencerai dans un an, je dois arrêter pour des raisons personnelles, je déménage dans d'autres pays, bref. Mais je vais revenir pendant certaines vacances pour vous faire des interviews. Donc j'ai créé un compte Instagram, j'en ai déjà parlé la dernière fois mais j'ai modifié le nom parce que c'était trop long. Je vais les appeler les émissions d'Aurel. Et du coup vous retrouvez, je vous indiquerai à chaque fois que je reviendrai pour faire une émission. Les émissions d'Aurel, voilà. Donc sur ce compte je mettrai les émissions de temps à autre si vous voulez. Les interviewateurs et tout, enfin voilà. Comme ça si vous voulez être informé de toute l'actualité on va dire, me concernant et concernant la radio, vous suivez ce compte, les émissions d'Aurelien, voilà. Bon, c'est tout pour moi, on se retrouve dans malheureusement très longtemps sur Radio Gemozo, la radio la moins bête des Vosges.